Chapitre 12e. Les funérailles. Une partie du palais du gouverneur avait été transformée en hôpital militaire. Les premières dames de la cité, ayant à leur tête la jeune Améliane, veillaient elles-mêmes au chevet du lit des blessés. Au courage le plus inébranlable, elles savaient joindre ces soins touchants, ces attentions de sœurs et de mères qui ne s'apprennent pas, mais que leur sexe devine si bien. Et quand la science humaine s'arrêtait impuissante devant un moribond, leur voix noble et pieuse empruntait alors à la religion ses consolations et ses espérances qu'elle seule peut donner. Ce fut dans cet asile que fut transporté le cadavre de Thibaut. Sombre, abattu, l'œil brûlant et sec, Guillaume n'avait point voulu se séparer de son ami. Debout auprès de sa dépouille mortelle, il demeurait immobile. Quand son âme, trop longtemps oppressée, laissant ses termes s'exhaler ses regrets et son désespoir, « Vincenzo, s'écrie-t-il, ce fut pour lier tes destinées aux miennes, que tu quittas les campagnes de ta belle Italie. Et l'illustre cité qui m'a vu naître n'aura pu t'accorder pour hospitalité que la terre nue et glacée de la tombe. Ton ami lui-même t'a conduit au-devant de la mort pour acquérir une gloire éphémère. Oh, que ne puis-je, pris de tout mon sang, t'arracher au cruel trépas et racheter ces jours heureux où l'amitié faisait nos délices. Désormais, je suis seul. Ta voix si chère ne relèvera plus mon courage si souvent abattu, et sur ton sein généreux, mon front brûlant ne trouvera plus l'oubli et le calme. » À ces mots, tandis que des larmes amères sillonnent ses joues pâlies, il lave lui-même le corps sanglant du jeune Romain et l'inonde de parfums et de fleurs. Dans l'intervalle, le vestibule du palais est tendu de noir. On y dresse un lit de parade sur lequel est déposé le corps du valeureux Vincenzo. La juste admiration qu'il avait excitée par sa bravoure, la profonde reconnaissance des habitants de la cité, pour la délivrance desquels il avait combattu, amenèrent un peuple immense auprès de sa couche de mort. Tous voulaient contempler une dernière fois les nobles et mâles traits du Romain endormi du dernier sommeil, tandis que les hommes exaltaient et déploraient à la fois la triste et glorieuse mort du jeune guerrier. Les femmes à genoux priaient en silence pour que son âme purifiée par son sang pût trouver le repos dans les régions éternelles. Le lendemain, le jour se leva blafard à l'horizon. Des nuages d'un gris sombre voilaient l'azur du ciel, enveloppaient la ville et le camp, et couvraient l'étendue des mers. Les vents ne soufflaient point. Comme un manteau de plomb, une atmosphère lourde et épaisse pesait sur la terre. Les funérailles de Thibaut s'apprêtaient. À l'heure donnée, le sceau du chrétien ouvrait la marche funèbre. Elle était suivie d'un cavalier monté sur un cheval carapaçonné de noir. Il tenait dans ses mains une longue pique à laquelle étaient appendues les armes du défunt et sa bannière renversée que couvrait de lugubres crêpes. Venaient ensuite tous les corps, soit réguliers, soit civils et militaires. Le défunt était porté par des novices de l'abbaye Saint-Victor. Guillaume et le gouverneur, plongés dans l'abattement, conduisait le deuil. Le chevalier Ranzo de Cérès, le seigneur de Brion, les consuls, les chefs militaires, escortés d'une multitude innombrable, accompagnaient l'infortuné Vincenzo. Le convoi passa non loin des murs et se rendit à l'église de la Majeure où le cadavre devait être inhumé. Sans son cortège de regrets et de larmes, on eût pris la pompe funèbre pour un triomphe. Tant l'affreuse nudité de la mort était ici voilée par l'éclat de la gloire, cette autre vie, plus durable que la première, qui traverse les siècles et sait rendre un nom immortel. On célébra le service divin. Deux pâles flambeaux projetaient leur vacillante lumière sur les colonnes du lieu saint. La fumée de l'encens enveloppait l'autel d'un nuage diaphane, et la voix des prêtres, disant le chant des morts, retentissait sous les voûtes sonores de l'enceinte sacrée. L'office terminé, la tombe du jeune guerrier s'ouvre, un frisson circule dans la foule silencieuse et recueillie. Guillaume s'avance alors et, frémissant, glacé d'horreur à l'aspect du caveau funéraire, « Vincenzo, s'écrie-t-il, la pierre du sépulcre, en se refermant sur toi, va dérober à jamais ton image chérie à ton ami désolé. Que ton âme, trop tôt enfuie de ton corps, puisse trouver le calme. Du haut du séjour heureux où le dieu des armées récompense les valeurs guerriers, contemple cette foule empressée qui, dans ce moment, entoure ton cercueil et pleure ton trépas. Ne regrette plus ton sol natal. Tes cendres ne reposent point dans l'exil. Marseille, ma patrie, t'a adopté pour enfant. Ses fils, rediront longtemps, et ton nom et tes exploits. » Et la voix navrante de Guillaume, l'émotion profonde de la foule attristée, éclate en sanglots déchirants. Le cadavre est descendu dans la fosse préparée. On scelle la pierre qui la couvre, et le cavalier d'honneur vient déposer les armes du héros romain sur le caveau fermé, tandis qu'au mur, il append sa bannière. Alors, la multitude s'éloigne lentement. Le temple chrétien reste bientôt froid et désert. Un homme, jeune et beau, agenouillé auprès du sépulcre, troublé seul du bruit de ses soupirs, la solitude de la tombe.